Aspect de la société arabe pré-islamique. Nous parlerons brièvement des conditions socio-économiques ainsi que des aspects moraux qui caractérisaient cette partie du monde avant la venue de l'islam. La condition sociale. Il existait différentes strates sociales qui se distinguaient nettement les unes des autres par leurs us et coutumes. Au sein de la noblesse, le statut de la femme dénotait un haut niveau d'estime à son égard. La femme jouissait d'une liberté considérable et ses décisions l'emportaient quasiment toujours. Elle était tellement respectée que les épées étaient dégainées et le sang coulait pour empêcher toute atteinte à son honneur. Elle pouvait faire la paix comme la guerre. Néanmoins, ses privilèges mis à part, le système familial arabe était entièrement patriarcal. Le mariage de la femme ne pouvait se conclure que sous la haute autorité de ses tuteurs et elle n'avait le droit de ne rien faire sans leur ordre. Il y avait parallèlement à ces milieux sociaux privilégiés des sphères où l'immoralité et la prostitution faisaient des ravages. Abu Daoud a rapporté d'après Aïcha radiallahu anha qu'il y avait en Arabie pré-islamique quatre catégories de mariage. La première était analogue aux procédures de mariage de l'époque actuelle, c'est-à-dire qu'un homme donnait sa fille en mariage à un autre homme après qu'une dot ait été fixée et acceptée. La deuxième catégorie se présentait ainsi. Un mari envoyait sa femme, une fois la période menstruelle de celle-ci terminée, cohabiter avec un autre homme. Il ne reprenait les rapports avec sa femme que lorsqu'elle montrait des signes de grossesse. Il agissait ainsi dans le but d'avoir un enfant de bonne ascendance. Dans la troisième catégorie, un groupe de moins de 10 hommes avait des rapports avec une femme. Lorsqu'elle tombait enceinte et qu'elle accouchait, elle envoyait chercher ses hommes et aucun d'eux ne pouvait refuser de venir. Elle leur disait « De vos rapports avec moi, voici le fruit, cet enfant est le tien », en désignant l'un d'entre eux à qui la paternité de l'enfant était ainsi attribuée. Dans la quatrième catégorie, une prostituée avait des rapports avec plusieurs hommes. Une fois qu'elle donnait naissance à un enfant, elle rassemblait les hommes en question et invitait un physionomiste qui, s'appuyant sur les traits du nouveau-né, désignait le père. Celui-ci prenait ensuite l'enfant et le déclarait comme étant son enfant naturel. L'islam abolit toutes ces formes de mariage, excepté celles correspondant au mariage islamique actuel. Lors des guerres tribales, les vainqueurs faisaient prisonnières les femmes des vaincus et avaient commerce avec elles, mais les enfants issus de ces rapports étaient à jamais déshonorés. Les Arabes d'avant l'islam ne s'imposaient aucune limite quant au nombre d'épouses. Ils pouvaient être mariés à 2 sœurs simultanément ou même aux épouses de leur père en cas de divorce ou de décès de celui-ci. Le nombre de divorces n'était pas déterminé. L'adultère prévalait dans presque tous les milieux sociaux à l'exception de quelques hommes et femmes dont la dignité personnelle les préservait d'un tel acte. Les femmes libres étaient dans une bien meilleure situation que les femmes esclaves. Il semble que la plupart des Arabes de l'époque anté-islamique ne ressentaient aucune honte quant à cette turpitude. Ainsi Abu Daoud a rapporté qu'un homme vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et dit « Ô envoyé d'Allah, un tel est mon fils, il est le fruit d'un rapport que j'ai eu avec une esclave dans la période pré-islamique. » Le prophète alayhi salatu wassalam rétorqua alors « Pour un musulman, il n'y a pas de réclamation recevable en ce qui concerne les affaires antérieures à la révélation de l'islam. » L'enfant est attribué au lit conjugal dont il est issu, et la lapidation est le sort du fornicateur. Dans le domaine des relations entre père et enfant, il y avait des paradoxes, et la vie quotidienne en Arabie offrait des contrastes lugubres. En effet, alors que certains Arabes aimaient tendrement leur progéniture, les autres enterraient leurs filles vivantes, par crainte de la honte, ou tuaient leurs enfants mâles par crainte de la pauvreté. Nous pouvons le voir dans le Coran, sourate 6, verset 151, sourate 16, verset 58-59, sourate 17, verset 31, sourate 81, verset 8. Les enfants mâles, cependant, étaient nombreux à être épargnés en raison de leur grande utilité en période de guerre. Les Arabes avaient avec leurs parents ainsi qu'avec leur clan des relations profondes. L'esprit de clan était leur raison de vivre ou de mourir. L'esprit de société qui régnait au sein de la tribu était exacerbé par le tribalisme. Le socle sur lequel reposait l'ordre social était le chauvinisme et les liens de parenté. Leur devise était « Soutiens ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Ils étaient ainsi étrangers au principe islamique qui stipule que l'aide apportée à un oppresseur consiste à dissuader celui-ci de commettre son agression. La soif de pouvoir, jointe à une volonté aiguë de surpasser les autres, avait souvent pour conséquence des guerres entre tribus qui avaient généralement un ancêtre commun. C'est le cas des Haous et des Khazraj, des Abz et des Doubyan, des Bakr et des Taghlib, etc. Les relations intertribales étaient fragiles et faibles à cause de guerres continuelles. Toutefois, le respect de certaines traditions qui tenaient de la religion et de la légende atténuait parfois l'intensité des conflits. Dans certains cas, l'alliance ou la dépendance entre les tribus engendrait leur unité. La venue des mois sacrés où étaient suspendues les hostilités leur procurait une occasion de gagner leur vie et de coexister pacifiquement. Pour résumer la situation sociale en Arabie à cette époque, nous pourrions dire qu'elle était au plus bas. Les ténèbres de l'ignorance dominaient et les superstitions avaient le dessus. Les gens vivaient une vie comparable à celle des bestiaux et la femme était considérée comme une marchandise, voire parfois comme un être inanimé. Les liens communautaires étaient coupés. Quant aux gouvernements qui existaient, leur souci majeur était de s'enrichir aux dépens de leurs sujets et de déclarer la guerre à leurs opposants. La situation économique. La situation économique allait de pair avec l'atmosphère sociale, comme le démontrent les moyens d'existence des Arabes. Le commerce constituait leur principale source de revenus, mais les routes commerciales étaient peu sûres du fait de l'absence de coexistence pacifique entre les tribus et de la présence de pillards, hormis pendant les mois sacrés où les Arabes tenaient leur marché, notamment à Okaz, Zulmajaz et Mijana. L'artisanat était étranger à la vie quotidienne des Arabes. La plupart des activités de couture et de tannage étaient le fait des gens du Yémen, de Hira et des régions voisines de la Syrie. En Arabie même, il y avait peu d'agriculture et d'élevage. Presque toutes les femmes arabes filaient le coton ou la laine, mais cette pratique était également continuellement menacée par les guerres. Globalement donc, la pauvreté, la faim et le manque de vêtements constituaient les principales caractéristiques économiques de l'Arabie. La morale et les valeurs. Nous ne pouvons nier le fait que la conduite des Arabes d'avant l'islam comportait des défauts. De l'aveu général, des vices et des tares rejetés par le bon sens étaient omniprésents chez les Arabes d'alors. Toutefois, cela ne peut effacer l'existence hautement surprenante de vertus fort louables, parmi lesquelles nous pouvons citer les suivantes. L'hospitalité. Les Arabes rivalisaient dans ce domaine et s'enorgueillissaient. Presque toute leur poésie était consacrée au mérite et à la noblesse d'âme attachée à la générosité. Ils étaient généreux et hospitaliers jusqu'au point de sacrifier leurs propres biens au profit d'un hôte affamé ou transi de froid. Ils n'hésitaient pas non plus à payer de fortes sommes en guise de prix du sang afin d'enrayer d'inutiles effusions de sang et de s'attirer des éloges. Dans ce contexte, l'habitude arabe de boire du vin apparaissait comme primordiale, et le fait d'en offrir à ses hôtes était un signe particulier de générosité et d'hospitalité. Ils considéraient le vin comme un moyen facilitant la générosité. C'est la raison pour laquelle ils appelaient la vigne « karam », générosité. Quant au vin, ils l'appelaient « bintul karam », la fille de la générosité. Quiconque observe les recueils de poèmes provenant de l'époque anté-islamique verra consacré au vin un chapitre de louanges et de glorifications. Antara ibn Shaddad al-Absi dit dans son ode « Moi, je bois du vin, la méridienne retombée, provenant de dinars bien lustrés. Dans un blond cristal décoré, jouxtant une cruche fleurie à couvercle et rafraîchie au vent. Si je bois, je ne consomme que mon bien, mon honneur surabonde sans fêlure. À jeun, aucun appel ne me trouve en défaut. Ma vertu et ma libéralité sont celles que tu connais bien. » Les jeux de hasard étaient également l'une des pratiques qu'ils associaient étroitement à la générosité, puisque les gains étaient toujours destinés à servir d'aumône. Même le noble Coran ne nie pas les bienfaits qui proviennent du vin comme des jeux de hasard, mais il dit aussi « Et leur péché est plus grand que leur profit. » Sourate 2, verset 219, selon le sens du verset. Également parmi les qualités des Arabes d'avant l'islam, le respect des engagements. Pour les Arabes d'alors, faire une promesse ou conclure un pacte était équivalent à un endettement. Ils n'hésitaient pas à sacrifier leurs enfants ou leur maison pour honorer leur engagement. La littérature de cette époque est riche en récits mettant en avant ce mérite. Également, le sens de l'honneur et le rejet de l'injustice qui avaient pour résultat leur courage exceptionnel, leur jalousie impétueuse et leur irascibilité. La moindre offense allumait le feu de la guerre, les Arabes n'hésitant jamais à se sacrifier pour maintenir ce fort sentiment de dignité personnelle. Autre qualité, une volonté et une détermination inflexibles. Les Arabes n'abandonnaient jamais la poursuite d'un objectif qui mettait en jeu leur fierté ou leur honneur, même aux dépens de leur vie. La patience et la clémence. Les Arabes admiraient beaucoup ces traits de caractère. Mais leur vie, tout entière bâtie sur le courage excessif et la vitesse avec laquelle ils prenaient l'initiative de la guerre, était cruellement dépourvue de ces qualités. Enfin, une vie de bédouin pure et simple. Elle n'était pas encore ternie par les futilités et les artifices de la civilisation, ce qui expliquait leur nature sincère et honnête et leur aversion pour les intrigues et la traîtrise. Ces précieux principes moraux, joints à la position géographique exceptionnelle de la péninsule arabique, justifièrent la désignation des Arabes pour assumer la transmission du message divin et la direction de l'humanité. Si certains caractères causaient des préjudices, il n'en demeure pas moins que leur utilité pour la société humaine était indéniable. Le parachèvement de ces bons caractères était une des tâches auxquelles s'est attelé l'islam. De ces caractères, les plus précieux et les plus utiles étaient certainement, en plus du respect des engagements, le sens de l'honneur et la haute détermination. Ils étaient indispensables dans le combat contre le mal et l'élimination de la corruption morale et dans l'établissement d'un ordre social fondé sur la justice et le bien. Les Arabes d'avant l'islam avaient certes d'autres qualités morales, mais nous ne les avons pas énumérées, notre objectif étant autre.